L'allié inconnu de Buffalo Bill. Chapitre 1er. Une mission difficile. Le général en chef Smith, chargé de la défense du fort Leavenworth dans la grande guerre civile des États-Unis, regardait d'un air de satisfaction le jeune homme debout devant lui. « Vous êtes un héros que l'armée du Nord peut se proclamer fière de compter dans ses rangs. »« Oui, oui, il n'y a pas à protester. » « La modestie est une vertu, mon jeune ami, mais il ne faut pas la pousser trop loin. Si j'avais su hier, à votre arrivée, ce que vous laissiez derrière vous, je vous aurais reçu autrement. Je voudrais que nous eussions plus d'hommes de votre trempe. »« Vous me faites trop d'honneur, mon général, » répondit Bill Cody, « que de tels éloges mettaient mal à l'aise. Je ne fais que mon devoir, comme tout brave soldat, cela va de soi. Quel est l'ordre ?» Le commandant supérieur fronça les sourcils et se mit, l'air pensif, arpentait la chambre de long en large. Il lançait parfois du côté de Bill Cody un regard scrutateur. À la fin, il marcha droit à lui et le prit par l'épaule. « Je vous ai fait appeler, mais ça ne va pas. Vous êtes blessé, le bras en écharpe, » dit-il. « Bon, ce n'est que le gauche, » répondit Bill dédaigneux. « Une égorgure qui n'a aucune importance en soi et qui m'empêchera d'autant moins de remplir une mission. « Mon jeune ami, vous ne vous doutez pas de l'ordre que j'ai envie de vous donner. » dit le général en chef. « On m'assure que si on vous le commandait, vous iriez aux enfers souffleter le diable, et ma foi, je le crois, tellement vous avez l'air loyal et vaillant. Votre confiance m'honore, mon général. Je souhaite que vous me donniez l'occasion de promptement la justifier. « Alors écoutez-moi, » commença le général Smith. « Il me faut un homme qui pénètre au quartier général des confédérés, qui gagne la confiance du commandant en chef et qui se met en possession de certains plans de bataille très importants avant 3 jours. Le renseignement m'est parvenu qu'une grande attaque contre nous est imminente. Mes espions m'informent que des 4 points cardinaux, des masses énormes de troupes ennemies sont en mouvement, mais quant au dessein particulier de l'ennemi, je marche dans le noir, absolument à tâtons. Avez-vous l'audace de vous risquer dans l'antre du lion ? Bill Cody avait pâli un instant, rien qu'un instant, et il répondit par un regard intrépide à l'œil fixé sur lui. « L'audace, je l'ai, ainsi que la conviction que je peux faire ce que vous me proposez. Mais ce n'est pas un jeu honorable. Il me répugne de devoir faire l'espion. Mettez-moi devant un adversaire plus fort que moi, dans une lutte à mort. Je donnerais volontiers ma vie pour la patrie, mais... » Il s'arrêta court, les joues de la teinte de charbons ardents. « Votre franchise m'honore, mon garçon. » reprit le général d'une voix profonde. « Je vous donne raison. Dans les circonstances ordinaires, le métier de l'espion est honteux. On se sert de lui, on ne l'estime pas. Mais la tâche que je vous offre est une œuvre de héros. Non seulement parce que les plus grands dangers de mort y sont attachés, car au moindre soupçon de l'ennemi, vous êtes pendu sans long discours ni examen. Mais se faire découvrir, c'est causer les plus graves préjudices à nos intérêts. Bien plus, il y va de notre vie à tous. » Il y va de la cause sacrée de la patrie en danger. Le monde entier nous regarde. Les meilleures troupes de l'Union sont rassemblées ici. Si les États du Sud réussissent à nous infliger un échec décisif, le Nord est vaincu et l'opprobre de l'esclavage souillera encore notre magnifique patrie. » Le général parlait avec chaleur. Un éclair d'enthousiasme illuminait son visage austère. « Mon fils, » continua-t-il, « je ne sais, en dehors de vous, personne que je puisse envoyer. » Certes, il y a dans nos rangs beaucoup d'hommes braves, mais ils sont connus de l'ennemi. Vous, au contraire, vous êtes jeune, personne parmi les confédérés ne vous connaît. J'ai bien l'impression de vous envoyer une mort certaine, mais vous êtes un homme de la vieille roche, et sûrement vous ne vous inquiétez guère de risquer votre vie quand vous avez en vue la gloire des récompenses et l'honneur de notre chère patrie. » Une fière ardeur brillait dans les yeux de Bill Cody. « Quand dois-je monter à cheval, mon général ? » demanda-t-il. « Ce soir au plus tard. » Les lèvres de Bill se contractèrent. « Ma mère est morte, ce soir, » fit-il, « j'aurais voulu l'enterrer. » De la poitrine du général Smith, ces mots montèrent comme une plainte où l'admiration se mêlait à l'étonnement. « Pauvre jeune homme !» Et l'officier général lui prit les mains et les serra. « Je ne veux pas vous presser, » dit-il, « et pourtant demain il sera peut-être trop tard. » L'engagement décisif est imminent, à coup sûr. Nous sommes tous comme sur un fourneau de mine qui peut à chaque instant faire explosion. « Je serai de retour ce soir, » interrompit Bill impétueusement. « J'irai simplement prendre congé des miens et leur dire de différer de 3 jours l'enterrement de ma mère. À cette date, je serai sûrement revenu. ou je ne reviendrai plus du tout, ajouta-t-il tout bas. Le général continua à lui serrer chaleureusement la main. « Bill Cody, dit-il ému, il vous appartient d'offrir à notre glorieux pays le plus grand des sacrifices. Si ces gueux-là vous découvrent, il n'est point de martyr assez terrible pour vous arracher de nos secrets. Mais il en résultera que vous aurez préservé d'une totale destruction la plus fière armée de volontaires qui existe. « N'ayez pas d'inquiétude, mon général. Je remplis ma mission et je reviens, » dit Bill avec calme. Il regarda le ciel. « Certes, ce sont les vrais intérêts de l'humanité que je défends. Dieu sera du côté de nos armes. » Le général Smith montra l'heure. « Donc, à minuit, vous pourrez partir. En attendant, reposez-vous et faites vos préparatifs. Voici des cartes qui donnent exactement la position de l'ennemi. Et n'oubliez pas qu'il faut, quelles que soient les circonstances, trouver le moyen de vous faire mettre en présence du commandant-chef et d'enlever de sa tente les documents importants. « Vraiment, mon garçon, je tremble moi-même devant les difficultés de votre tâche. Il serait plus aisé de descendre aux enfers. » Les lèvres de Bill s'étendaient en un sourire d'orgueil. Il croyait en sa bonne étoile et en lui-même, et une vieille prédiction de bohémienne que sa mère lui avait révélée en mourant mettait le comble à sa confiance. « Je sens que le ciel est avec moi. Je vous rapporterai tout ce que vous désirez, » dit-il avec une belle assurance. Il fit demi-tour et sortit de la chambre. Revenons à la veille du jour où Bill Cody avait cette conversation avec le général Smith. Bill Cody, arrivé comme estafette du Fort Hays, avait été conduit devant le général et lui avait remis les dépêches, après quoi il avait couru non loin de là, vers le vieux foyer où il avait passé sa jeunesse, la maison des bois comme on l'appelait. Oh, le cœur généreux du jeune homme battait à rompre sa poitrine, à mesure que les sabots légers de son cheval le rapprochaient de cette maison amie, tout enveloppé de ténèbres. La chère maison gisait en effet dans une épaisse obscurité. Les volets étaient fermés. Quelques fenêtres du rez-de-chaussée seulement laissaient filtrer une faible lumière. Une paix profonde régnait alentour. Rien ne rappelait qu'à quelques milles à l'ouest, il se passait des abominations sanglantes et que la guerre existait sur la terre. Bill descendit de cheval et s'avança avec précaution, pas assez cependant pour que son pas ne fût remarqué et reconnu de l'intérieur. Il entendait les voix de ses sœurs et de temps en temps un grondement sourd. C'était son vieux turc, un magnifique bulldog, qui, pendant ses années d'enfance, avait été son inséparable compagnon de jeu. « C'est Bill, c'est lui !» s'exclamait-on derrière la porte close. Le voyageur n'y tint plus. « Oui, certes, c'est moi, mes bien-aimés » s'écria-t-il en secouant le loquet. « Mais ouvrez-moi la porte, au moins !» « Et avant tout, dites-moi comment va la mère. »« Elle vit, elle désire vous voir et elle vous attend. » Oh, que cela résonna doucement dans son cœur. Il n'aurait pas cru que quelques paroles puissent rendre ce céleste son. En même temps, la porte s'était ouverte. En bond désordonné, un beau chien passa devant les jeunes filles, avec des jappements joyeux et des frétillements de queue, et se dressa tout debout contre le nouvel arrivant. Bill avait peine à repousser l'impétueuse tendresse de la fidèle bête, qui lui léchait les joues et les mains. « Mon fidèle, mon vieux, mon cher Turc, » disait-il en le calmant, « tu aimes ton maître, n'est-ce pas? Mais il faut me laisser un peu maintenant. Je veux donner un baiser à ces gentilles sœurettes et aller auprès de ma mère aimée, de ma bonne mère chérie. » On eût dit que le magnifique animal l'avait compris. Instantanément, Turc s'écarta, se mit derrière lui et ne quitta plus ses talons, reprenant ses habitudes d'autrefois. Bill mesura la salle de l'œil. Il croyait la voir dans un rêve. Le cœur battant, il fit un mouvement pour entrer dans cette immense chambre où ne brillait qu'une faible lumière, qu'atténuait encore l'abri vert d'un abat-jour. Une seconde, son pied hésita sur le seuil. Plein d'anxiété, il promena son regard ardent et chercheur dans toute la vaste pièce et l'arrêta enfin sur un lit dans une alcôve. Une pâle figure de femme, dont les traits transparents étaient déjà empreints de cette paix que le monde ignore, cherchait à se soulever sur sa couche. Vain essai, faible et défaillant, son pauvre corps exténué se renversa sur les oreillers. « Bill, Bill, mon cher Bill, est-ce bien toi ?»« Je le savais. Le ciel devait exaucer ma prière. Il ne pouvait pas me laisser mourir avant de t'avoir conduit vers moi. J'ai tant de choses à te dire, mon petit, mon mignon. » Un cri étouffé s'échappa des lèvres de Bill. Le jeune homme qui, prêt à la mort et méprisant le danger, avait traversé les plus terribles aventures du désert, redevint en ce moment un enfant débile et sensible comme autrefois. « Mère, oh, ma douce mère, ma mère à moi » sanglotait-il. Les bras grands ouverts, d'un élan, il fut auprès de la malade. Dans l'impétuosité de son amour, mais avec une délicatesse infinie, il referma les bras sur cette pauvre créature tendre et sans force. « Mère, oh mère chérie » balbutia-t-il à 20 reprises. Puis il se laissa tomber lentement à genoux près du lit de douleur, en tenant toujours les mains de sa mère dans les siennes. Les sœurs étaient restées en arrière. Elles ne voulaient pas troubler par leur présence cette entrevue suprême. Le silence dura ainsi de longues minutes, et ce repos solennel n'était interrompu que par les sanglots étouffés de ces deux jeunes femmes aimantes qui savaient que l'irrévocable départ était proche. À la fin, la mère de famille, la première, reprit possession d'elle-même. « Tu es blessé, Bill ? » murmura-t-elle, inquiète. Elle regardait le bras de son fils qu'il était obligé de porter en écharpe. Mais Bill eut un rire insouciant. « Ne vous tourmentez pas pour cela, mère. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Une écorchure. Mais comment allez-vous, vous, ma mère ? Ne vous sentez-vous pas mieux ?» La malade ne répondit pas. Elle arrêtait sur son fils un regard d'une tendresse infinie. « Oh, mon enfant, comme je suis heureuse de te revoir !» commença-t-elle. Ils disaient tous que tu ne pourrais pas venir, que des dangers mortels te guetteraient à tous les pas du chemin, que l'ennemi était partout. Et je m'abandonnais déjà à l'effroi de ne plus jamais regarder dans tes bons yeux fidèles, de ne pouvoir baiser encore une fois ta chère bouche au moment du départ. Et maintenant, te voilà venu, mon mignon. Et je le sais, le danger a rugi autour de toi comme un lion qui cherche à dévorer tout. Mais tu es venu, parce que l'amour est plus fort que la mort. » Bill était rouge de bonheur. Lui, qui avait écouté sans s'émouvoir tous les discours élogieux de ses supérieurs et de ses camarades, qui les avaient même trouvés quelque peu importuns, les paroles de sa mère lui faisaient un bien inexprimable. « Ma petite mère » répétait-il du fond de son cœur. Il saisit dans ses deux mains le visage de la pauvre femme penchée sur lui et lui couvrit les joues de caresses et de baisers. « Ma petite mère, comme vous avez l'air blême et souffrant, Dieu veuille que la joie de me revoir vous prête de nouvelles forces. » Mais la malade secoua la tête avec un triste et douloureux sourire. « Non, mon enfant chéri, » murmura-t-elle en faisant un effort. « Ma dernière réserve de vie, je l'ai perdue en t'attendant. Et c'est presque un miracle que le bon Dieu m'ait laissé atteindre ce bonheur. Aussi ne perdrai-je point de temps, mon enfant, mais je vais t'informer de ce qui me tourmente le cœur avant qu'il soit trop tard. » Épuisée par ces paroles, elle s'affaissa de nouveau sur les oreillers. Quelle douleur! Bill comprenait l'effrayante faiblesse où se trouvait la chère créature. Pour la première fois depuis qu'il était là, l'horrible vision de la mort s'approchant pour ravir celle qu'il aimait par-dessus tout, commença à poindre dans son esprit. « Écoute, mon enfant, » reprit-elle au bout d'un instant, d'une voix lasse et traînante, « il faut que je te révèle quelque chose. Il y a de longues années, lorsque j'étais jeune fille, je fis un séjour là-bas dans le sud, chez des parents que nous aimions. À ce temps, une devineresse fameuse faisait beaucoup de bruit dans le pays. Ta tante et moi, par curiosité, nous cédâmes à la tentation d'envoyer chercher la Sibie qui était une très vieille bohémienne. » Bill regardait sa mère, étonné. Il se serait attendu à tout plutôt qu'à une révélation de ce genre. « Mère, je ne crois pas à ces choses-là, » dit-il en secouant ses boucles. « Allons, parlons d'autre chose. Il ne faut pas dépenser vos forces pour un tel sujet. » Mais la malade persista. « Écoute encore, mon fils, » continua-t-elle d'une voix débile. « Et je t'en prie, ne m'interromps pas trop souvent, car je le sens, mes heures sont comptées et mes forces à bout. » Ta tante et moi, nous pensions alors tout à fait comme toi aujourd'hui. Ce fut avec un rire incrédule que nous accueillîmes la prédiction que ta tante, jeune et belle fleur épanouie, avec ses deux enfants, boutons pleins de promesses, serait dans l'espace de 15 jours la proie de la mort. Mais où l'épouvantable apparut, c'est lorsque tous trois furent atteints de la fièvre jaune et moururent avant la fin du terme fixé. « Cela peut être un hasard effrayant, mère, » balbutia le fils. « Ce n'était pas un hasard, enfant. » Mais écoute encore. La devineresse avait aussi dit que, sur le steamer qui me ramènerait à la maison paternelle, je rencontrerais mon futur époux, que je me marierais avec lui au bout d'une année et que je lui donnerai 3 fils dont le second seul vivrait. Et ce second fils, c'est toi. Tes frères sont morts. Et il est également vrai que c'est dans ce voyage en bateau à vapeur que j'ai appris à connaître ton excellent père. » Le fils la regardait avec de grands yeux. « Incroyable, » fit-il. « Et pourtant, c'est vous qui le dites, mère. » »« Écoute encore, » continua la malade, dont les forces s'évanouissaient rapidement. « Le nom de ce fils devait se répandre dans le monde entier et... » Et sur sa tête, elle voyait distinctement une couronne. « Une couronne, mais mère, une couronne, » insista la mourante. Ce que cela signifiait, la bohémienne ne le savait pas elle-même. « Le monde entier prononcerait ton nom avec admiration, » disait-elle, « mais sûrement il y aurait un cœur orné d'une couronne qui s'inclinerait vers toi, et cet amour t'élèverait jusqu'au ciel, mais aussi, par la douleur et les épreuves, te précipiterait dans le plus profond abîme de l'enfer. Cet amour menace de te faire répandre tout le sang de ton cœur, mais pourtant tu possèdes une étoile qui éclairera d'une douce lumière le chemin de ta vie. Et cette étoile... « Mère, je l'ai trouvée !» s'écria le jeune homme dans un élan irrésistible. « Mère, il faut que je vous le dise. Pendant que j'étais en chemin pour venir ici, un heureux hasard m'a fait rendre service à une jeune fille, une créature si douce, si gracieuse, que mes yeux n'en ont jamais contemplé de pareil. » Malgré son état, la malade eut un sourire plein de bonté. « Oh, Bill, tête jeune et folle, c'est à peine si tu as 20 ans. Qui est cette jeune fille? De quelle famille ?»« Elle s'appelle Louisa. N'est-ce pas un nom divin ?» s'écria le jeune homme dans le mouvement impétueux d'un jeune amour qui s'éveille. « Louisa. Où ai-je entendu ce nom, Louisa? Et son autre nom, quel est-il ?»« Son père était Ralph Huntington, le fermier si riche en mines. » « Le malheureux Huntington, » soupira-t-elle. « Les peaux rouges ont détruit sa ferme. Ils l'ont tué. Ils ont enlevé les siens. On a toujours dit que la jeune fille n'était pas son enfant, mais celui de grands personnages, et qu'elle était entourée d'un mystère qui pourrait lui être fatal. » Sa voix se perdit. Elle resta quelque temps dans un état de prostration complète. Bill s'abandonnait au tourbillon de ses pensées. Tout à coup, il sentit que sa mère lui avait repris la main. Comme il levait les yeux, sa physionomie lui apparut transfigurée. « Mon fils, » commença-t-elle d'une voix solennelle qui prenait l'accent d'une objurgation d'en haut, « sache que ceux-là seulement qui se montrent probes, braves et francs, parviennent à s'acquérir un honorable nom. Tu nous as déjà donné la preuve que Dieu t'a doué de grandes facultés. Songe qu'avec elles une lourde responsabilité pèse sur toi. » Tu as toujours été un bon fils. Toujours tu m'as soutenu dans le besoin. Malgré ta jeunesse, tu as été pour moi un ami encore plus qu'un fils. Je t'en remercie du fond de mon cœur, mon Bill bien-aimé. Et mon vœu le plus cher, c'est que le bon Dieu te bénisse pour cela. » Épuisée, l'excellente femme fit une pause. Bill cherchait vainement à prononcer une parole. Sa gorge était comme obstruée. La douleur de la séparation prochaine l'étranglait. Comme sa mère avait changé tout d'un coup. Quelle solennité dans ses paroles, et quel aspect imposant donnait à son doux visage ses regards déjà noyés dans la mer de l'éternité. « Agenouille-toi, mon fils, que je te bénisse, » murmura-t-elle. Elle posa ses 2 mains sur la tête bouclée de son enfant. « Que le Seigneur te bénisse et te protège, » dit-elle à travers la contraction de ses lèvres. « Que sa bienveillance détourne le péril de ta tête ou qu'il te fasse le surmonter. » Elle reprit aussitôt, et c'était comme si d'un regard prophétique elle pénétrait l'obscur royaume de l'avenir. « Oh, mon fils, tu as la bravoure du lion, et rien sur la terre ne résiste à la force de ton bras ni à l'intelligence de ton noble esprit. Mais autour de toi marchent le péril et la terreur. Ce sont tes compagnons de route et de lit. Et puis, sur la tête, je vois des roses. Une rose blanche, comme il en fleurit dans le cimetière de l'église, et une rose rouge, comme une source de vie et d'amour. Et de ces roses monte une flamme jaune. C'est le péril, la terreur, la menace livide de la mort. Oh, mon cher petit, des monstres t'environnent, et je ne peux pas te porter secours. Je ne peux même plus prier pour toi, car je gis dans la tombe. Il n'est personne, dans ce vaste monde, personne, qui puisse te protéger. Et encore, au-dessus de ta tête, je vois le soleil lumineux, chaud, glorieux, splendide. » continua-t-elle tout bas, d'une voix éteinte. mais ces rayons ne viennent pas jusqu'à moi. Je suis trop loin, inaccessiblement loin, là-bas. Là-bas, enfant, où nous nous reverrons. Bill ne répondit que par un sanglot. Appelle tes sœurs. Je sens, il me semble, c'est la fin, dit la mère d'une voix faible comme un souffle. Bill s'empressa de se relever et d'un pas mal assuré alla vers la porte. La main dans la main, il les ramena sanglotant dans cette pièce qui leur apparaissait de plus en plus sombre. Devant le lit de la moribonde, tous trois, d'un même mouvement, tombèrent à genoux. « Mes enfants, mes bons chéris, » eut-elle encore la force de chuchoter, « j'ai toujours été une heureuse mère. Vous m'avez donné toutes les joies. Que Dieu vous récompense de ses plus abondantes bénédictions. Je prierai le Père qui est là-haut d'être secourable à mes orphelins. Et maintenant, mes enfants chéris, chantez, comme vous l'avez fait si souvent, l'air doux et tendre que je vous ai appris. Laissez-moi entendre encore une fois cet hymne qui fut ma consolation et ma lumière directrice en cette vie terrestre. Allons, chantez, plus près de toi, mon Dieu. » Assurément, aucun des enfants en pleurs n'avait le cœur à chanter, mais ils comprenaient que leur chant était le cher et suprême viatique qui conduirait l'âme épurée de la Sainte Femme vers l'unique source de toute lumière. Et sur leurs lèvres tremblantes, souvent convulsées d'amers sanglots, le doux cantique résonna. Un sourire de bonheur indicible se jouait sur les traits de la mourante. Maintenant, elle pouvait s'endormir à jamais dans les bras robustes de son enfant chéri. C'était la fin. Le ressort de la vie se brisa, et l'âme, loin de ce corps-là et périssable, retourna dans sa vraie patrie. Lorsque Bill eut enfin compris que sa mère était partie pour toujours, il se jeta, en proie à la douleur la plus aiguë, sur la dépouille mortelle de cet être adoré. « Oh, mère, mère, pourquoi me laisses-tu tout seul? Comment ferais-je pour vivre sans ton cœur fidèle ? » criait-il dans le tumulte de son désespoir. Mais il entendit les gémissements de ses sœurs en larmes. Il comprit que ces délicates créatures éprouvaient la même perte et qu'elles étaient bien plus encore dénuées d'appui. Cette pensée lui rendit aussitôt la possession de lui-même. Il les envoya prendre du repos. Pour lui, il s'installa auprès de la morte et n'en bougea pas de toute la longue, interminable nuit. Le matin commençait à poindre lorsque la voix d'une de ses sœurs, qui était entrée inaperçue, le tira brusquement de ses méditations. « Il vient d'arriver un soldat qui veut vous parler, Bill, » dit-elle. Ne sachant à quoi s'attendre, notre héros la suivit hors de la chambre, dans la salle commune, où il trouva un habit bleu envoyé à sa recherche. « Ordonnance du général en chef, » dit le soldat. « Vous devez vous présenter immédiatement au fort, le général a besoin de vous. » Bill fut stupéfait. Il avait espéré qu'au moins pendant ces quelques heures on le laisserait libre de service, mais son visage n'en laissa rien voir. « Je vais me présenter immédiatement au fort, » dit-il. Le soldat sortira. Bill revint dans la chambre à côté et fit part à ses sœurs de ce qui se passait. « Vous n'allez pas vous exposer à de nouveaux dangers ? » dirent-elles. « Il n'est pas de danger que le brave doit fuir, » répondit Bill Cody d'un ton calme, et aussitôt il remonta à cheval et partit à toute bride pour le fort.